toi Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me. Depuis que tu as bras dessus à la recherche de l'amour, premier coup de fou, je dis c'est mon beau jour. J'avais pas le courage de lui parler en face. Moi je la kiffais beaucoup, j'ai pas remarqué ses fers. J'ai laissé le temps autant de faire son temps. J'ai pris mon élan et j'ai pris son hume. Et soir elle et moi on faisait que tchatcher. Pour elle devient méchant, comme un télé. Les mecs me jalousaient, oh tu car à cause d'elle. Il me fait tabasser, oh tu car à cause d'elle. Son regard disait TLB, dis-moi je t'aime. Et son cœur disait TLB, dis JTM. Tu sais que je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me. Tu sais que je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me. Lady, lady girl, I love you so much. Caress my body, baby, I need your touch. I see you one day, but now far away. In the dark, I'm finding you, but I need a touch. I never saw you, so it's a big loss, love. I promise to see you, but it's a back to scar. I won't talk to you like a big, big lover. Baby, I need your love, but I know that's over. You send me, me say you say, yeah. Never, I go, let go. Nigga, let go, let's go. I will wait for you, anyway, let's go. Let's go. I want you to love me for the rest of my life. Baby, baby girl, I want you to be my wife. To be my wife, lady. Be my wife, lady. Tu sais que je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me. Tu sais que je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, dans la suite d'Hong City. Et un sort du Wars dans un VIP. J'ai que croisé l'avant sous le nom de Gusty. J'ai essayé de la passer ce soir-là, elle acceptait. Et après one day, elle m'a rejeté. J'avais plus les mots et l'amour m'a quitté. J'ai recherché l'amour mais je l'ai pas retrouvé. Avant que je me tue, s'il vous plaît, ramenez-le-moi. J'ai plus quoi faire. Mon cœur n'a plus de repère. Il y a l'amour qui se sauve par la fenêtre, qui va lui rattraper parce que là, là je suis du père. Je me sens plus fort, man. Ça pousse à être en forme, man. Malgré tout ce que j'ai donné, elle me rejette, bon, c'est pas c'est grave. Je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me. Tu sais que je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me. Tu sais que je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me. Tu sais que je suis fait pour toi, Lady. Je veux que tu sois ma femme pour la vie. Girl, if you really love me. Girl, if you really love me.